comme le jeune Kentuba, où me raconte des histoires, ce que la mort représente. Je ne veux plus non qu'on ment. Le nœud s'installe dans ma tête, souffle le vent à la nuit. Je me prenne dans tes yeux et je sens tu me trahis. Est-ce que tu penses et tu oublies? Est-ce que tu penses et tu finis? Je resterai